Je m'évade la routine, mets un coup de bâton entre le squat et je suis dans les vagues. Faut que je me taille, que j'arrête à temps. Entre leur quête à pas, leur je vais taper leur toffe. Ils savent qui taper et stop. C'est ce qu'ils nous disent, mais je suis obligé de tracer. Fais ton pied, je suis des tasses, pop. Leur virus, la haine. Si t'entends un cry à la bague, trace. Non, faut pas que tu stresses. Trop temps perdu à la tête. Si tu voudrais, tu serais en place. Grosse caisse, casse tout ça dans le lève et vite le temps passe. Mais ouvre les yeux que tu les fermes, c'est ce qu'ils attendent. Ils vendent leur âme, ils les attendent pour le succès, le pouvoir. Mais ils savent pas ce qui les attend. Les gouvernements occidentaux et orientaux ne sont qu'une tromperie qui cache en réalité des sectes. En d'autres termes, l'armée de Satan, c'est la démocratie. Tout contrôler, tout calculer, du feu aux infos en assise. Contaminé par les sous, trop de soucis, c'est pour ça que je me saoule et que je tire des barres. Contaminé par la main, tu l'as baisé, tu te fais la main, ça crie à rat, tu travailles, les gars font suivi, ils ont la taille, rien à perdre, rien à perdre, ça change de place, faut rabattre, 6h du match, j'ai envie de demande si ton pote a boucasse, on n'est pas les bandeurs d'hommes, devant nous ils sont mal à l'aise. Contaminé par le rap, on est heureux de se battre par la cesse. Enfoiré, t'as vu nos têtes, est-ce que tu crois qu'on fait partie de vos soirées? Poto, j'ai fini seul, tu m'as dit te casse et t'as foiré. Bah, aujourd'hui on se met tous die, H ou Sky, t'as peur, tu dis tu fais de la boxe style. L'État nous dépouille, contrôle, il te lève tout sur une fouille. La pute fait l'effet d'une douille, demande à douille. Oulanda, Pem, nique sa mère la gaga. Viens pas me péter mon lapem, tu veux pas finir dans la cave. Rien d'autre dans la tête que t'arrêtes après ce braquage. Tu sentais que t'allais rentrer, t'as pissé les braquages. Et en pleine fusillade, passe pas à ta croupie, yeah. Fais gaffe dans le vide. C'est quelqu'un que tu peux qui, yeah. Tu voulais faire des dérapages, mais t'es pas piloté. J'te relève, j'prends tes sous, c'est quand même culotté. Moi j'suis tout le temps dehors, et ouais j'mets tout chez moi. J'ouvre les volets, j'vois la pente, les flics, tu vois le schéma. Contaminé par la maille, je l'ai baisé, je te fais la maille. Ça crie à rat, tu travailles, fais gaffe aussi, ils ont la taille. Rien à perdre, rien à perdre, ça change de place, faut rabattre. 10h du match, j'ai un carton. Tu demandes si ton pote a boucan. On n'aime pas les bandeurs d'hommes, devant nous ils sont mal à l'aise. Contaminé par le rap, on est heureux de se battre par la cesse. Contaminé par la main, je l'ai baisé, je te fais la main. Ça crie à rat, tu travailles, fais gaffe aussi, ils ont la taille. Rien à perdre, rien à perdre, ça change de place, faut rabattre. 10h du match, j'ai un carton. Tu demandes si ton pote a boucan. On n'aime pas les bandeurs d'hommes, devant nous ils sont mal à l'aise. Contaminé par le rap, on est heureux de se battre par la cesse. Contaminé par le rap, on est heureux de se battre par la cesse.